Histoire de Jésus-Christ, par Monsieur l'abbé Jean-Jacques Bourassé. Livre 1. Origine et naissance de Marie. L'avènement d'Hérode au trône de Judée, grâce à la protection des Romains, annonçait le prochain accomplissement de la célèbre prophétie de Jacob. Le sceptre était sorti des mains de Judas pour passer entre celles d'un étranger. L'attente des nations allait enfin être réalisée. Jaloux d'un pouvoir qu'il devait à la faveur, le tyran inaugura son règne par la cruauté. Il résolut d'anéantir tous les descendants des Maccabées, qui avaient gouverné les Juifs durant plus d'un siècle et demi. Justement alarmés, les derniers rejetons de la famille de David, fixés à Bethléem depuis le retour de la captivité, se réfugièrent en Galilée, sur les confins de la Syrie. Ils choisirent la contrée la plus paisible de cette fertile province, sur les pentes adoucies des montagnes du Liban et du Carmel, au pied du Tabor. Joachim et Anne résidaient à Nazareth ou à Séphoris, autrefois capitale de la Basse Galilée, mais ils possédaient à titre de patrimoine une petite maison à Jérusalem, près de la piscine probatique. Là, selon le témoignage de Saint Jean Damascène et l'opinion la plus commune, naquit Marie, le 8 septembre, l'an 738 de la fondation de Rome, 14 ans avant l'ère vulgaire. La pauvre maison témoin de cette nativité glorieuse fut transformée plus tard en une église dédiée à Sainte Anne. Ce sanctuaire vénérable appartient aujourd'hui à la France. Note. Le 1er novembre 1856, le consul de France à Jérusalem en a pris possession au nom de l'empereur Napoléon III. Des auteurs, cependant, ont indiqué Séphoris ou Nazareth et même Bethléem comme le lieu de la naissance de la Sainte Vierge. Cet événement, prélude de tant de grâce pour le monde, arriva, d'après le calcul de quelques astronomes, le même jour que Noé, 2334 ans auparavant, quitta l'arche et posa le pied sur la terre purifiée par les eaux du déluge. Issus de parents inconnus dans le monde, quoique d'une illustre noblesse du sang des rois, préservés de la tache originelle par un privilège insigne, Marie apparut comme l'aurore qui précède le soleil de justice. Elle descendait de David par Élie, Éliachim ou Joachim, son père, elle appartenait à la race d'Aaron par Anne, sa mère. Dès l'âge le plus tendre, Marie fut présentée au temple, où elle fut élevée, sous les yeux de Zacharie, parmi les vierges et les veuves consacrées au service du lieu saint. Ces pieuses femmes étaient en grand nombre, au rapport de l'historien Joseph, et l'Écriture nous apprend que plusieurs se consacraient à Dieu par la pratique de la chasteté. Elles veillaient devant la porte du tabernacle, et mêlaient leurs prières à celles des prêtres et des lévites qui venaient chaque semaine, suivant leur tour, à Jérusalem remplir les fonctions sacerdotales et les autres obligations imposées à la tribu de Lévi. Lorsque Marie eut atteint l'âge de 12 ans, époque de la majorité des femmes chez les Juifs, elle fut remise à son parent le prêtre Zacharie. La jeune Vierge resta peu de temps sous ce toit protecteur. Étant fille de David, elle devait, suivant la loi, devenir l'épouse de Joseph, son plus proche parent, fils de Jacob et frère de Cléophas. Joseph, comme Marie, était de la famille royale de David, avec cette différence que Marie était issue de l'ancienne ligne de Bethléem par Nathan, et que Joseph descendait de la même ligne par Salomon. Elle fut donc fiancée ou mariée à Joseph, le 23 janvier, dans la ville de Jérusalem, et elle ne tarda guère à se rendre à Nazareth, où elle établit sa demeure. Section 2, Annonciation. Cette alliance réunit pour la dernière fois les deux lignes principales de la race de David. L'héritier des promesses allait bientôt descendre sur la terre. Le nom de Nazareth en hébreu signifie fleurie ou la ville des fleurs. C'est dans ce jardin béni du ciel que devait s'épanouir la fleur de la tige de Jessé. Marie vivait modestement dans l'humble maison de Nazareth, se livrant chaque jour au travail et à la prière, attendant en silence qu'il plût au Seigneur de relever la royale famille de David depuis longtemps tombée dans la pauvreté. Joseph exerçait le métier de charpentier, et exécutait toute espèce d'ouvrage en bois. Son atelier était situé à quelque distance du logis commun, comme beaucoup d'habitations de Nazareth. Celle de la Sainte Famille était composée de deux chambres, l'une extérieure, qu'une pieuse tradition tient avoir été transportée à Lorette, en Italie, l'autre creusée dans le roc et assez spacieuse. C'est dans cette partie la plus retirée de sa maison que Marie aimait, loin du bruit et des conversations de la rue, à se livrer aux exercices de la prière et de la méditation. Quoique engagés dans les liens du mariage, Joseph et Marie vivaient ensemble dans une continence parfaite. Au moment où la Vierge était unie à Dieu, dans l'extase de l'oraison, elle vit apparaître l'ange Gabriel, le même qui avait annoncé au prophète Daniel que l'œuvre de la rédemption des hommes s'accomplirait après 70 semaines d'années, et qui, 6 mois auparavant, était descendu au milieu du temple de Jérusalem pour annoncer à Zacharie la naissance de Jean, précurseur du Messie. Se tenant à une distance respectueuse de Marie, l'ange lui dit « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » À ces paroles, Marie se troubla. Elle se demandait à elle-même quel était le sens de cette salutation extraordinaire. Alors l'ange la rassura. « Ne craignez pas, dit-il, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Vous deviendrez la mère d'un fils que vous nommerez Jésus. Il sera grand et s'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son empire n'aura pas de fin. » Marie répondit, « Comment ce que vous annoncez pourra-t-il arriver? J'ai résolu de rester vierge. L'Esprit Saint, reprit l'ange, viendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi votre fils s'appellera Fils de Dieu. Et pour vous montrer que rien n'est impossible au Seigneur, sachez que votre cousine Élisabeth, quoique avancée en âge, est enceinte depuis 6 mois. Voici la servante du Seigneur, répondit la Vierge. Qu'il me soit fait selon votre parole. Aussitôt l'ange s'éloigna. Et elle conçut du Saint-Esprit, ajoute l'Évangile. Le mystère de la rédemption ne devait pas commencer avant que Marie eût donné son libre assentiment au message céleste. Alors s'accomplit le mystère de l'incarnation. Le Verbe éternel se revêtit de la forme humaine dans le sein de la plus pure des vierges. Ainsi se réalisa l'antique promesse faite à nos pères, que la femme écraserait la tête du serpent. Ce grand fait eut lieu, le 25 mars, selon la chronologie de l'Église romaine, c'était au commencement du printemps, symbole d'une nouvelle vie, un mercredi, le jour anniversaire de la sortie d'Égypte et de la délivrance du peuple de Dieu. Section 3. Zacharie et Élisabeth. Impatiente de féliciter sa cousine, et de reconnaître, d'après l'indication de l'ange, dans la bénédiction accordée à Élisabeth, le signe et la confirmation de l'ineffable mystère qui s'était opéré en elle, Marie s'en alla en toute hâte, à travers les montagnes de la Judée, vers la maison de Zacharie. Elle se luta, dit l'Évangile, car il était défendu aux vierges et aux jeunes femmes, chez les Juifs, d'aller lentement ou de s'arrêter sur les places publiques. La tradition rapporte que Zacharie demeurait dans un village, à 2 lieues environ de Jérusalem, où il possédait 2 maisons, la première au milieu des autres habitations, la seconde en un endroit plus solitaire. Ce village s'appelle aujourd'hui Saint-Jean-in-Montana. C'était une des résidences sacerdotales concédées aux 24 ordres de prêtres chargés du service religieux dans le temple de Jérusalem. Chaque ordre devait exercer, pendant une semaine, les fonctions du sacerdoce. Il se subdivisait en 7 compagnies, dont chacune avait un jour de service. Le sort désignait le prêtre qui devait pénétrer dans le sanctuaire et faire brûler l'encens sur l'autel des parfums. Zacharie, de l'ordre d'Abia, étant à Jérusalem suivant le tour de sa famille, fut indiqué par le sort pour offrir l'encens. C'était un homme juste, menant une vie exemplaire avec sa femme Élisabeth, de la race d'Aaron. Ils étaient tous les deux avancés en âge, et ils n'avaient pas d'enfants. Tandis que le peuple priait au dehors, Zacharie entra dans le temple et aperçut avec frayeur un ange debout à côté de l'autel d'or, sur lequel le prêtre offrait l'encens. L'esprit bienheureux le rassura et lui dit que ses vœux avaient été exaucés, et que sa femme donnerait le jour à un fils, dont la naissance serait pour beaucoup la cause d'une grande joie. Il ajouta qu'il aurait à l'appeler Jean, ce nom, dans la langue hébraïque, signifie donné de Dieu et plein de grâce. Cet enfant, continua-t-il, sera grand devant Dieu. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Dès le sein de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit, et il convertira au Seigneur beaucoup des fils d'Israël. Il précédera le Seigneur dans l'esprit et la vertu d'Élie, afin de préparer à Dieu un peuple parfait. Il était impossible de désigner plus clairement la venue du précurseur du Messie. Zacharie allait devenir le père du prophète qui devait crier « Préparez la voie du Seigneur ». Jean sera le premier des évangélistes et le dernier des prophètes, expression empruntée de l'antique liturgie gallicane. L'heureux vieillard n'osait croire à tant de merveilles. « Comment, dit-il, serais-je assuré de la vérité de ce que vous m'annoncez ? Ma femme et moi, nous sommes avancés en âge. » Parce que tu as douté, répliqua l'envoyé céleste, tu resteras muet jusqu'au jour où mes promesses seront accomplies. Je suis Gabriel, un des anges qui se tiennent constamment en présence de Dieu, j'ai reçu mission de venir t'annoncer cette bonne nouvelle. Le peuple attendait Zacharie sur le parvis du temple, et il s'étonnait d'un si long retard. Mais quand on aperçut le prêtre qui ne pouvait se faire entendre autrement qu'à l'aide de signes, tous comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Lorsque le temps de son ministère fut expiré, Zacharie retourna dans sa maison, où la promesse du Seigneur reçut son accomplissement. Élisabeth était au comble de la joie, car la stérilité était une espèce de déshonneur chez les Juifs. Néanmoins, éprouvant quelque confusion d'être mère dans sa vieillesse, elle se cacha durant 5 mois, se contentant de rendre grâce à Dieu dans le secret de son âme. Quoique liée de parenté avec Élisabeth, la Vierge ne connut la grâce accordée à sa cousine que par une révélation céleste. Section 4 Visitation. Marie vint donc vers Élisabeth, qui, comme une autre Sarah, avait obtenu la fécondité dans sa vieillesse. À peine la voix de Marie a-t-elle retenti doucement à l'oreille de l'épouse fortunée de Zacharie, qu'Élisabeth sentit son enfant tressaillir dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit, et dans un ravissement prophétique elle s'écria « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne à moi? À peine ai-je entendu votre salutation, que l'enfant que je porte a tressailli de joie. Vous êtes bien heureuse d'avoir cru, car les choses que Dieu vous a manifestées seront accomplies. » Qui peut exprimer les saints transports de ces deux femmes, objets des faveurs les plus insignes? Quelles magnifiques paroles sortent de leur cœur, au milieu de leurs pieux embrassements! Spectacle digne de fixer les regards du ciel et de la terre. À ce moment, Marie exhale les sentiments de sa reconnaissance dans ce sublime cantique, où elle loue Dieu du prodige de miséricorde qu'il a daigné opérer en elle, malgré la bassesse de sa servante. Transportée d'un enthousiasme prophétique, elle sait que toutes les générations la proclameront bienheureuse. « Mon âme, dit-elle, glorifie le Seigneur, et mon âme a tressailli d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a abaissé son regard sur son humble servante. Et voilà que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Car celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a signalé la force de son bras. Il a confondu les orgueilleux dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien ceux qui étaient affamés, et il a renvoyé les mains vides ceux qui étaient dans l'abondance. Il a relevé Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde et de la parole donnée à nos pères, à Abraham et à sa postérité, à jamais. Marie resta 3 mois environ dans la maison d'Élisabeth, probablement jusqu'à la naissance de Saint Jean. On monte encore dans le village où demeurait Zacharie, au milieu d'un charmant bouquet de térébinthe, de platanes et d'oliviers, les ruines d'une petite église, ouvrage des chrétiens, élevée sur l'emplacement de la maison des champs où vécut Marie en compagnie d'Élisabeth. Les croisés avaient établi au même endroit un monastère de pieuses filles, afin que, de ce lieu sanctifié, la prière s'éleva sans cesse vers le ciel. La source abondante qui donne à cette vallée un peu de fraîcheur et de fertilité s'appelle toujours la Fontaine de Marie. Section 5. Nativité de Saint Jean. Le 24 juin, l'an 752 de la fondation de Rome, Élisabeth donna naissance à un fils. Aussitôt ses parents, ses amis et ses voisins, suivant la coutume, accoururent la féliciter. Tous complimentèrent l'heureuse mère, et louaient Dieu du bienfait qu'il venait de lui accorder. Le 8e jour, ils se réunirent de nouveau pour assister à la cérémonie de la circoncision. Ils s'accordaient à donner à l'enfant le nom de Zacharie, qui était celui de son père. Élisabeth s'y opposa, et l'appela Jean. « Personne dans votre famille, disait-on, ne s'appelle ainsi. » Alors on demanda au père de manifester sa volonté. Zacharie demanda des tablettes, et écrivit « Jean » et son nom. Tous étaient dans l'étonnement, mais en ce moment la langue du vieillard se délia, et il publiait les merveilles de Dieu à haute voix. Prenant entre ses bras le Fils de la Grâce, et levant les yeux au ciel, il s'écria « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Puis, contemplant son fils, il continua « Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour lui préparer ses voies. » Les témoins de cette scène touchante éprouvaient les plus vifs sentiments d'admiration. Ils se demandaient les uns aux autres ce qu'ils pensaient de cet enfant, la main de Dieu était visible. Le bruit de ces merveilles se répandit dans les montagnes de la Judée, et tous ceux qui en entendirent parler les gravèrent dans leur mémoire. Chacun alors était dans l'attente. On savait que les temps prédits par les prophètes étaient venus, et que la Judée allait devenir le théâtre des plus grands événements. Tous les cœurs s'ouvraient à l'espérance, sur toutes les lèvres on entendait répéter les promesses adressées à Abraham et aux patriarches. L'heure était solennelle. Dieu élevait le signe du salut dans la maison de David son serviteur, avait dit Zacharie, et l'époux d'Élisabeth n'ignorait sans doute aucun des détails de la visitation de Marie, aucune des merveilles qui bientôt allaient étonner et sauver le monde. Jean grandit en âge et en sainteté, et jusqu'au moment où il devait commencer ses prédications, il vécut dans le désert. Les pèlerins ne manquent pas d'aller visiter la grotte sauvage, à 4 km environ du village dont nous avons parlé, où Saint Jean se prépara, dans la solitude et les austérités, à prêcher la pénitence et l'approche du royaume de Dieu. C'est une caverne creusée par la nature, près d'une petite source qui suinte à travers les pierres, à l'ombre d'un caroubier. La tradition n'a jamais varié touchant cette grotte, comme l'attestent des monuments de la plus haute antiquité chrétienne. Section 6. Recensement général. Naissance de Jésus. Après 3 mois d'absence, les signes de la maternité de Marie étaient apparents. Joseph, le gardien de la virginité de sa jeune fiancée, en fut vivement attristé. Sa conscience lui faisait un devoir de la quitter, mais, comme il était juste, il résolut de lui donner une lettre de séparation, en présence de 2 témoins, conformément aux coutumes des Juifs, et de la congédier sans bruit. C'était un acte d'indulgence, dans lequel le motif de la séparation n'était pas toujours exprimé. La conduite de Joseph est l'interprétation naturelle du passage de l'Évangile, attestant le genre de vie parfait que les 2 époux pratiquaient dans l'état du mariage. La Providence dissipa promptement ses nuages. Un ange fit connaître à Joseph le mystère opéré dans la personne de sa chaste épouse, en accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils à qui l'on donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. L'envoyé céleste lui ordonna en même temps d'appeler le fils de Marie Jésus ou Sauveur, car il doit sauver son peuple et le racheter de ses péchés. « Ne craignez pas, dit-il, de recevoir Marie en votre demeure, ce qui est en elle est l'œuvre du Saint-Esprit. » Consolé par cette vision et cet avertissement d'en haut, Joseph accueillit avec honneur la fille de David, la mère de Jésus, en qui toutes les promesses faites au patriarche trouvaient un terme d'une manière si admirable. 6 mois après le retour de la Vierge, le roi Hérode publia en Judée, au nom de l'empereur Auguste, un édit qui ordonnait à tous les Juifs de se faire inscrire dans les registres publics, chacun dans sa tribu ou dans la ville de ses pères, afin de savoir le nombre des habitants du royaume. Ce recensement était une mesure générale dont l'application embrassait toutes les provinces du vaste empire de Rome. Chacun sait que chez les Juifs la classification du peuple par tribu et famille formait la base de la constitution publique. On ne doit donc pas s'étonner de cet ordre qui d'abord semble rigoureux. Si l'on consulte uniquement les coutumes judaïques, les prescriptions relatives au dénombrement de la population ne devaient pas atteindre les femmes, Mais chez les Romains, au témoignage de Denis d'Halicarnasse, le recensement comprenait aussi les femmes. Lactance nous apprend que dans les provinces on exigea la présence des femmes, et même des filles et des enfants. Joseph et Marie vinrent à Bethléem, ville de David, surnommée Ephrata, à cause de sa position dans une contrée des plus fertiles de la Judée. La ville était alors florissante et peuplée. En ce moment elle regorgeait d'étrangers que la loi du recensement y avait rassemblés, de sorte que Joseph et Marie ne purent trouver où s'y loger. Le diversorium ou caravansérail, espèce d'hôtellerie publique, commune en Orient, mais qui ne ressemble en rien à nos hôtelleries d'Europe, était encombré de voyageurs et de bêtes de somme. La colline sur laquelle s'étagent les maisons de Bethléem, est percée, hors des remparts, de cavernes plus ou moins profondes où les bergers avaient coutume de mettre leurs troupeaux à l'abri, durant l'hiver et la saison des pluies. Déjà, de son temps, David y pouvait conduire ses troupeaux, et en plus d'une occasion les hommes eux-mêmes y trouvaient un asile. C'est dans une de ces étables que les deux époux furent obligés de chercher un refuge. À minuit, le 25 décembre, l'an 752 de la fondation de Rome, l'an 4004 depuis la création du monde. 1921 ans depuis la vocation d'Abraham, 1491 ans après la sortie d'Égypte, Marie, âgée de 14 ans, au fond d'une grotte obscure, donna naissance au Fils de Dieu, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. Ainsi naquit le descendant des rois, l'héritier de David, le Fils unique de Dieu, le Messie. Quelle grandeur et quels abaissements! L'amour et la reconnaissance guidèrent les premiers fidèles vers cette grotte témoin de tant de merveilles. L'empereur Adrien la fit profaner et ordonna de planter alentour un bois consacré aux cérémonies impures d'Adonis, fils de Vénus. Cette profanation dura 180 ans, jusqu'au règne de Constantin. À cette époque, la pieuse mère du premier empereur chrétien, sainte Hélène, fit purifier ce lieu vénérable, brisa l'idole, arracha le bois consacré à des fêtes païennes, et jeta les fondements d'une superbe basilique qui subsiste encore, après avoir traversé 15 siècles. Aujourd'hui comme au temps de saint Justin, d'Origène, de saint Épiphane, de saint Jérôme, de la pieuse Paul et de la Vierge Eustochie, dernier rejeton des Gracques et des Scipions, les pèlerins descendent dans la grotte souterraine de Bethléem, et s'y agenouillent dévotement. Des lampes y entretiennent sans cesse une douce lumière, et à l'endroit même où Marie, mère de la divine grâce, occupée des premiers soins de la maternité, prodiguait à Jésus ses caresses et ses adorations. La piété respectueuse des chrétiens a placé un pavé de marbre incrusté de jaspe et de porphyre, où se lit l'inscription suivante. Ici de la Vierge Marie naquit Jésus-Christ. De savants et pieux écrivains ont remarqué que Jésus est né durant la Sainte Nuit des Juifs, et la Fête des Lumières, qui se célébrait depuis 164 ans, en mémoire de la consécration de l'autel, ou de la purification du temple par Judas Maccabée. Le monde jouissait d'une paix profonde, et le temple de Janus était fermé pour la seconde fois sous le règne d'Auguste. Au moment où l'auteur de la pure et sublime morale de l'Évangile paraissait au monde, les Romains célébraient les Saturnales, désordres affreux, l'éternel déshonneur de la civilisation païenne. Section 7. Adoration des bergers. Il y avait aux environs de Bethléem des bergers qui gardaient, tour à tour, leurs troupeaux durant l'éveil de la nuit. Une vive lumière les enveloppa subitement, Et un ange leur annonça que le Sauveur venait de naître dans la cité de David. Au même instant, ils entendirent un concert de voix célestes disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Éblouis de ces clartés surnaturelles, émus des paroles angéliques, les bergers se dirigèrent aussitôt vers la ville de Bethléem. Suivant les instructions de l'ange, ils trouvèrent Marie, Joseph, et l'enfant couché dans une crèche. Ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été annoncé, et, se prosternant humblement, ils adorèrent le nouveau-né, depuis si longtemps attendu, tant de fois prédit par les prophètes. Le bruit de ce prodige se répandit promptement. Les bergers en racontèrent les détails à tous ceux qui attendaient prochainement la venue du Messie. Elle combla de joie les pieux Israélites du pays de Bethléem, et trouva un écho dans toutes les montagnes de la Judée. Beaucoup s'étonnaient du récit des pasteurs. Ceux-ci se retirèrent loin le Seigneur, qui avait daigné leur manifester sa gloire et les conduire miraculeusement au berceau de son Fils. Quant à Marie, elle gardait fidèlement toutes ces choses, les méditant en son cœur. D'après une tradition conservée par saint Jérôme, le message céleste eut lieu dans la campagne à 1000 pas environ de la tour des troupeaux. On bâtit dans la suite une église et un monastère sur ce même emplacement, les ruines en sont encore apparentes. Section 8. Circoncision. L'heure de la délivrance était venue, le nouveau-né allait recevoir le nom de Jésus ou Sauveur, que l'ange avait commandé à Marie et à Joseph de lui donner. La cérémonie de la circoncision se pratiqua 8 jours après la naissance, et c'était en cette circonstance qu'on imposait le nom au fils nouvellement né. Depuis le temps d'Abraham, l'opération douloureuse de la circoncision était faite par le Père, en présence de 10 témoins. Il est donc probable que Joseph, le père nourricier du Fils de Dieu, circoncit Jésus, en présence de sa bienheureuse mère, versant ainsi les premières gouttes du sang précieux qui devait un jour couler en entier sur la croix pour le salut des hommes. La chair de Jésus était exempte de la souillure du péché, mais le Sauveur avait pris sur lui tous les péchés du genre humain. Joseph, sans aucun doute, exécuta toutes les prescriptions de la loi et suivit le cérémonial consacré par la tradition pour l'accomplissement de cet acte important, d'autant plus que la prière récitée en cette occasion était, jusqu'à ce jour, la figure de ce qui devait se réaliser dans le Messie. Le ministre de la circoncision disait à haute voix, « Béni soit le Seigneur notre Dieu, qui a imprimé sa loi dans notre chair, et qui marque ses enfants du signe de sa sainte alliance, pour les rendre participants des bénédictions d'Abraham notre Père. » Les assistants répondaient, « Salut à celui que vous avez choisi pour votre fils. » On avait coutume de placer alors l'enfant sur un siège d'honneur, en disant, voici le siège du prophète Élie. C'était un signe d'espérance dans la venue du précurseur du Messie. Il y avait déjà 6 mois que le siège d'Élie avait été occupé par Jean, le précurseur. L'enfant qui venait d'être mis sur le siège d'honneur n'était pas le fils adoptif de Dieu, c'était le Verbe, fils unique de Dieu, consubstantiel à son Père. S'il acceptait en son corps la marque de l'alliance contractée avec le peuple juif, c'était pour unir l'ancienne loi à la nouvelle, qui en est la fin et la perfection. Section 9. Généalogie de Jésus-Christ. En vertu de la circoncision, la plénitude des droits et des privilèges accordés au peuple choisi de Dieu était acquise à celui qui portait ce signe de l'alliance. Son nom était inscrit dans les registres publics, Il entrait dans la série généalogique de la famille. Chacun sait combien les Juifs étaient jaloux de conserver leur généalogie. L'intérêt leur en faisait un devoir, surtout avant la captivité de Babylone, puisque le patrimoine de chaque famille était inaliénable. Le Juif, d'ailleurs, comme les autres peuples de l'Antiquité, était plein du sentiment de sa personnalité, voulant garder dans leur intégrité les droits qu'il tenait de ses ancêtres, il regardait sa généalogie comme ses lettres de noblesse. Les évangélistes ont publié la double généalogie de Jésus-Christ, par Joseph et par Marie, afin que personne ne pût mettre en doute sa descendance de David. La généalogie suivant Saint Luc donne les ancêtres de la Vierge, c'est le véritable arbre généalogique du Sauveur. Par surabondance, Saint Matthieu a tracé celui de Saint Joseph, c'est l'arbre généalogique légal. L'origine de Jésus, comme descendant de David, d'Isaïe et de Judas, est ainsi établie par des actes incontestables, ce qui suffit à établir l'accomplissement des prophéties. Le peuple lui-même la connaissait, et nous entendons l'aveugle de Jéricho la constater publiquement lorsqu'il priait. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Nous avons donné dans l'introduction une note détaillée sur la double généalogie de Jésus-Christ. La Providence avait ses desseins lorsqu'elle permit que le premier maître de Rome ordonna un recensement général de tous les habitants de l'Empire. Les noms de Joseph, de Marie et de Jésus furent inscrits dans un acte authentique, parmi ceux qui appartenaient à la postérité du roi David. Les registres du dénombrement existaient à Rome du temps de Tertullien et de Saint Jean Chrysostome, qui invoque ce fait comme étant de notoriété publique. La main de la Providence n'est pas moins apparente dans un événement arrivé peu de temps après la naissance de Jésus. Hérode réunit dans le temple et fit brûler, avec toutes les archives, toutes les anciennes généalogies et tous les diplômes de famille du peuple juif. Cette mesure odieuse avait pour but d'effacer les titres légaux de la race qui avait de légitimes prétentions à la royauté et des espérances certaines pour l'avènement du Messie. Le tyran était de basse extraction, son père ou son grand-père, originaire d'Ascalon, n'était pas du sang d'Abraham. C'était un serviteur étranger employé aux fonctions les plus humbles du temple de Jérusalem, et qui, lors du pillage du sanctuaire, avait été emmené par des brigands idumées. Jules l'Africain, né à Emmaüs, en Palestine, au commencement du IIIe siècle de l'ère chrétienne, nous fait connaître cet acte d'Hérode qui souleva le peuple entier. Quelques Juifs, grâce à la fidélité de leurs souvenirs, réussirent à rétablir des lambeaux de leur généalogie. Peut-être de rares documents échappèrent-ils au désastre commun, plusieurs Israélites, au témoignage du même auteur, étaient regardés de son temps comme parents du Sauveur. Mais le grand coup avait été frappé, un trouble irrémédiable était jeté dans les généalogies judaïques. Le but principal de la conservation fidèle des traditions généalogiques était atteint. Il demeurait constant que Jésus est de la race royale de David. Les autres documents de famille pouvaient être livrés aux flammes, sans grave inconvénient. Hérode fut le ministre du jugement de Dieu. Section 10. Adoration des mages. Quelques jours après la circoncision, des mages vinrent de l'Orient guidés par une étoile merveilleuse. La tradition les appelle les trois rois, quoiqu'elle ne nous apprenne rien de précis sur leurs conditions et leur patrie. L'opinion commune les fait venir de l'Arabie et de la Mésopotamie. C'était, sans doute, des sages ou des savants appartenant à la caste sacerdotale, Des princes ou émirs, comme on dit aujourd'hui en Orient. Saint Jérôme les regarde comme les successeurs de Balaam qui, dans un transport prophétique, avait dit « Une étoile sortira de Jacob, et un sceptre s'élèvera du milieu d'Israël. » Dès les temps les plus reculés dans les contrées les plus civilisées de l'Asie, circulaient des traditions propres à frapper vivement l'imagination, elles étaient relatives à l'apparition d'une étoile extraordinaire, signe précurseur de la venue du Sauveur du monde. Les Chaldéens, versés dans la connaissance de l'astronomie, enseignaient, par suite de leur contact avec les Juifs, qu'on verrait briller au firmament, à l'arrivée du Messie, les mêmes constellations qui jadis annoncèrent le grand déluge, et signalèrent la délivrance du peuple de Dieu de la servitude de l'Égypte. Toutes ces rumeurs mystérieuses étaient tellement accréditées, qu'on les trouve mentionnées dans les plus anciens écrits. Un livre apocryphe intitulé « Livre de Seth », où se trouvaient consignées les observations astronomiques des patriarches, auxquels l'historien Joseph fait allusion dans ses antiquités judaïques, nous apprend que l'étoile du Messie devait avoir la forme d'un petit enfant, portant une croix dans sa main. L'auteur inconnu d'une homélie attribuée à Saint Jean Chrysostome rapporte la même croyance dans des termes identiques. Quoi qu'il en soit de la nature du phénomène céleste que l'Évangile désigne sous le nom général d'étoile, les mages comprirent l'avertissement que le ciel leur donnait. Arrivés à Jérusalem, ils s'enquirent d'Hérode, du lieu où se trouvait le roi des Juifs nouveau-né. À cette question, le monarque étranger se troubla. Il n'ignorait pas, de même que tous les Juifs, qu'une étoile devait luire au ciel à la naissance du Messie. Aussi fut-il rempli de crainte, et toute la ville de Jérusalem fut-elle vivement émue. On consulta les princes des prêtres, les scribes et les anciens du peuple. Le Sanhédrin n'hésita pas un seul instant, il désigna Bethléem de Juda. Le prophète avait dit, « Et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira le chef qui doit régir mon peuple d'Israël. » Michée 5, 2. La frayeur d'Hérode était à son comble, comme s'il eût senti trembler son trône sous lui. Il dissimula cependant, et fit venir en secret les mages pour les interroger sur l'époque précise de l'apparition de l'étoile. Un projet criminel surgit aussitôt dans le cœur du tyran. Afin de frapper plus sûrement sa victime, il recommanda soigneusement aux mages de lui faire connaître le roi nouveau-né, « J'irai moi-même l'adorer », dit le fourbe. En sortant de Jérusalem, les mages virent de nouveau le météore miraculeux, et furent remplis d'une grande joie et d'une nouvelle ardeur. La distance de Jérusalem à Bethléem est d'environ 8 km, et le chemin qui conduit d'une ville à l'autre est un des plus agréables de la Judée. L'étoile s'arrêta au-dessus de l'humble demeure où la charité d'un dieu n'avait pas dédaigné de descendre. Les rois mages, malgré la pauvreté de la sainte famille, reconnurent aussitôt celui qu'ils cherchaient. Ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant ils l'adorèrent. Ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, hommage symbolique par lequel ils le saluaient Dieu, roi et mortel. Les mages, prémices des gentils, se présentèrent devant le berceau de Jésus 12 jours après sa naissance, le 6 janvier. Le Seigneur déjoua les perfides desseins d'Hérode. Un ange avertit les mages de regagner leur pays en prenant un autre chemin que celui qu'ils avaient suivi en allant à Jérusalem. Nous venons de voir réunis autour du berceau de Jésus les éléments de l'Église naissante, les Israélites, enfants de la promesse, dans la personne des bergers, et les nations dispersées sur toute la face de la terre, dans la personne des mages. À ces deux premières manifestations, la grotte de Bethléem servit de sanctuaire. Ne reconnaît-on pas déjà dans ces scènes touchantes le caractère du christianisme, charité, douceur, humilité? Section 11. Présentation de Jésus au Temple, purification de Marie. 40 jours s'étaient écoulés depuis la nativité du Sauveur, et, suivant les ordonnances de la loi mosaïque, Marie devait venir au temple recevoir la bénédiction du prêtre, et son fils devait être présenté au Seigneur selon cette prescription. Tout fils premier-né sera consacré à Jéhovah. Joseph et Marie allèrent à Jérusalem, portant l'offrande des pauvres, un couple de tourterelles. Il y avait alors à Jérusalem un homme juste et craignant Dieu, nommé Siméon, qui attendait la consolation d'Israël. L'Esprit de Dieu l'attira vers le temple au moment où la Sainte Famille en franchissait le seuil. Ce saint vieillard avait reçu du ciel l'espérance de ne point mourir sans avoir vu le Messie. À la vue de Jésus, il fut profondément ému, et, dans un ravissement prophétique, il le proclama le Messie. « Maintenant, Seigneur, dit-il, laissez aller votre serviteur en paix, selon votre parole, puisque mes yeux ont contemplé le Sauveur, que, vous avez préparé pour être devant tous les peuples, la lumière qui éclairera les nations, et la gloire d'Israël, votre peuple. » Joseph et Marie étaient dans l'admiration. Siméon les bénit. Le cœur maternel de Marie débordait de joie et de reconnaissance. Le saint vieillard lui prédit alors que ce cœur serait un jour transpercé d'un glaive de douleur. L'avenir fut dévoilé à ses regards, le douloureux mystère de la rédemption s'offrit à sa vue avec ses humiliations, ses souffrances, et la sanglante expiation du calvaire. Quelques écrivains affirment que le vénérable vieillard eut sa prière exaucée sur le champ, et qu'il expira dans le temple au pied du Sauveur. L'histoire n'en dit rien. Si ce fait était vrai, Saint Luc aurait-il omis une circonstance aussi mémorable? Pendant que cette scène se passait, arriva la vieille prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Cette pieuse femme, âgée de 84 ans, avait vécu cette année seulement dans le mariage, et, depuis la mort de son époux, elle était restée dans le temple, servant Dieu nuit et jour. Pénétrée d'un saint enthousiasme, elle louait le Seigneur, et publiait la venue du Messie. La ville de Jérusalem retentit des accents de sa joie, qui trouvèrent écho dans l'âme de ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. La prophétesse Anne, suivant une tradition respectable, avait pris soin de l'éducation de Marie dans le temple. De quel trésor de grâce son cœur ne s'était-il pas enrichi près de la bienheureuse Vierge, objet de tant de faveurs célestes? Comme elle dut tressaillir de bonheur en saluant, dans sa jeune et chaste amie, la mère du Fils de Dieu. Les paroles de la prophétesse et du vieillard étaient bien propres à causer une vive impression. Un demi-siècle s'était écoulé depuis qu'une voix avait annoncé que la venue du Messie ne tarderait pas au-delà de 50 ans. Chacun savait que le règne de Dieu était proche. La vision du prêtre dans le temple, son mutisme temporaire, les merveilles de la nativité de Saint Jean, le cantique de Zacharie, les récits des bergers, le passage des mages, l'apparition de l'étoile, tout concourait à remplir la Judée des plus douces espérances. Après avoir accompli tous les devoirs que la loi leur imposait, Joseph et Marie retournèrent à Nazareth. Section 12. Fuite en Égypte. Massacre des innocents. Mort d'Hérode. Irrité de voir que les mages n'étaient pas tombés dans le piège qu'il leur avait tendu, Hérode fut saisi d'une violente colère. Ses appréhensions se réveillèrent, et sa fureur ne connut plus de bornes. Il ordonna de faire mourir impitoyablement, et sans distinction, tous les enfants à la même aile, dans le pays de Bethléem. En Judée, les mères avaient l'habitude de sevrer leurs enfants seulement dans la troisième année après leur naissance. Instruit par les mages du temps précis auquel l'étoile avait brillé au ciel, le tyran se croyait sûr d'envelopper dans cette horrible boucherie la tendre victime qui lui portait ombrage. Alors la ville et les champs de Bethléem furent inondés du sang innocent. Un deuil immense enveloppa la contrée. Sur les hauteurs on entendit les gémissements et les plaintes des mères infortunées. C'était Rachel pleurant la mort de ses fils, et refusant toute consolation parce qu'ils ne sont plus. Tant de cruautés furent inutiles. Un ange apparut à Joseph durant la nuit, et lui commanda de conduire en Égypte l'enfant et sa mère. La sainte famille était hors des atteintes du prince Iduméen lorsque le glaive des soldats, ou plutôt des bourreaux, fit couler à flot le sang des innocents. L'histoire ne nous apprend aucun des détails de la fuite en Égypte. La tradition, à son défaut, nous fait connaître des circonstances accompagnées de prodiges, mais tous les récits qui sont arrivés jusqu'à nous ne méritent pas une égale confiance. Joseph aurait suivi le chemin qui passe actuellement près de Ramleh, se dirigeant par Gaza et les bords de la Méditerranée, voie toujours fréquentée par les caravanes qui vont d'Égypte en Syrie. Non loin de Memphis et de la cité moderne du Caire est un village nommé Matari, l'ancienne Héliopolis. Depuis longtemps les Juifs mécontents, ou forcés par les malheurs des temps de quitter la Palestine, y trouvaient un refuge. C'est là que vécut Jéroboam, fuyant devant le roi Salomon, après avoir reçu du prophète Abia les 10 morceaux de son manteau, emblème du commandement qu'il devait exercer un jour sur les 10 tribus d'Israël. Là encore cherchèrent un abri les malheureux laissés dans leur patrie par Nabucodonosor, du temps du prophète Jérémie, lorsque plus tard ce prince souleva contre eux une affreuse persécution. Sous les Ptolémées, les migrations volontaires et les prisonniers de guerre accrurent considérablement la population judaïque en cet endroit. Chassés par la violence d'Antiochu, des Juifs en foule, sous la conduite d'Onia, fils du grand prêtre du même nom, s'y étaient fixés, attendant des jours meilleurs. Loin de leur patrie et du temple de Jérusalem, les exilés avaient obtenu de Ptolémée Philométor l'autorisation de construire une synagogue, qui ne tarda pas à acquérir des richesses importantes et une grande réputation. Telle est l'origine première de la synagogue célèbre d'Alexandrie, qui succéda à celle de Léontopolis, lorsque celle-ci fut fermée par ordre de l'empereur Vespasien. Une tradition respectable rapporte qu'à l'entrée de Jésus en Égypte les idoles furent renversées et brisées. Isaïe avait dit « Le Seigneur entre en Égypte, à sa présence les idoles sont ébranlées, et tous les cœurs sont dans l'effroi. » La tradition qui rapporte que Joseph habita la ville de Matarea est assez vraisemblable. Le père nourricier de Jésus y trouve aisément à exercer son industrie parmi ses compatriotes, et il évita le contact des adorateurs d'idoles, que les Juifs avaient justement en horreur. Jésus passa sur la terre d'Égypte les 2 premières années de sa vie. À la mort d'Hérode, Joseph reçut ordre d'un ange de retourner en Palestine, il obéit sur le champ. Ainsi, dit l'évangéliste, S'accomplit la parole du Seigneur, qui avait dit par la bouche du prophète Osée, « Je rappellerai mon fils de l'Égypte. » En entrant dans sa patrie, Joseph, apprenant qu'Archélaüs régnait à la place d'Hérode, son père, ne s'arrêta pas en Judée, mais alla droit à Nazareth, en Galilée. Ses craintes n'étaient pas mal fondées, comme l'événement ne tarda pas à le démontrer. Le nouveau roi continua la politique cruelle de son prédécesseur, il inaugura son règne en ordonnant le massacre de 3000 juifs. Le peuple, tremblant et indigné, eut recours directement à l'intervention de l'empereur, demandant à grands cris d'être délivré de la tyrannie de la famille d'Hérode. Ses réclamations d'abord furent sans effet, la Judée continua de gémir sous le joug intolérable des étrangers. C'en était fait, le sceptre de Juda était tombé, il avait été remplacé par une verge de fer dans la main des tyrans. Nous ne mettrons pas ici de faire connaître comment la main de Dieu s'appesantit sur le cruel Hérode, et les tortures morales et physiques au milieu desquelles il rendit le dernier soupir. Ce prince barbare, qui n'épargna ni sa femme ni ses propres enfants, qui répandit des torrents de sang humain, éprouva le sort que la justice divine réserva dans la suite aux persécuteurs de l'Église. La maladie dont il était atteint allait toujours empirant, il se sentait brûlé d'un feu intérieur, et tourmenté de démangeaisons insupportables sur tout le corps. Une faim insatiable stimulait encore les douleurs intérieures et aggravait l'inflammation des entrailles. Ses pieds étaient enflés, et des vers lui sortaient du corps, l'air était infecté de l'odeur de son haleine et de ses plaies. Malgré les remèdes des médecins, le mal faisait de rapides progrès. Transporté à Jéricho, ce monstre, sûr que sa dernière heure approchait, fit tuer son fils Antipater, et convoqua l'assemblée des principaux de la nation dans l'amphithéâtre de cette ville. Il avait donné ordre de massacrer les chefs d'Israël dès qu'il aurait rendu le dernier soupir, voulant, disait-il, que ses funérailles fussent accompagnées de larmes sincères. Heureusement ce commandement inique ne reçut pas d'exécution. Ainsi mourut misérablement ce prince, de mœurs dépravées, d'un caractère farouche, dont la mémoire restera toujours en exécration, qu'une ambition démesurée entraîna aux plus grands excès et aux crimes les plus affreux. Section 13. Vie cachée de Jésus. Jésus au milieu des docteurs. Pendant que Jésus passait tranquillement à Nazareth les années de son enfance, la Palestine était agitée de soulèvements sans cesse renaissants, et même de luttes sanglantes. Archélaüs, que l'expérience des premiers jours de son règne aurait dû rendre plus circonspect, irrita le peuple de toutes les manières. Son autorité avait des formes despotiques que rien ne tempérait. À la fin, exaspérés, les Juifs et les Samaritains se décidèrent à le dénoncer à Auguste, la 10e année de son règne. L'empereur manda le fils d'Hérode à Rome pour répondre aux accusations portées contre lui. Le messager trouva le prince à table avec ses amis, et lui signifia l'ordre du maître. Archélaüs obéit. Il comparut devant le tribunal de l'empereur en présence de ses dénonciateurs. Ne pouvant se justifier, il fut exilé à Vienne en Dauphiné, où il mourut peu de temps après. Décidément la Judée était une province romaine. L'impôt fut établi sur chacun des habitants, à la suite d'un second dénombrement de la population, qui eut lieu, comme le premier, sous la surveillance de Cyrinus ou Quirinius, gouverneur de Syrie. Les membres de la famille d'Hérode furent dès lors privés du pouvoir suprême en Judée, ils ne gardèrent, sous la domination jalouse des Romains et sous la juridiction des préfets, qu'un nombre d'autorités, qui elle-même ne tarda pas à diminuer et à disparaître. Les Juifs montrèrent d'abord plus de soumission dans le paiement de l'impôt qu'on avait osé l'espérer. L'influence du grand prêtre Joazar les poussait à la modération. Rien ne semblait devoir troubler l'ordre et la tranquillité, lorsqu'une insurrection folle, qui eut de fâcheuses conséquences, s'organisa sous la direction d'un certain Judas, natif de Gamala, province de Golon, sur la rive orientale du Jourdain, et d'un pharisien nommé Sadoc. Les passions de la multitude sont faciles à enflammer, surtout si l'on met en avant l'intérêt de la religion et de la patrie, deux causes propres à faire palpiter tous les cœurs. Cette révolte fut réprimée avec une extrême rigueur. Beaucoup de malheureux périrent les armes à la main ou de misère. Le gouverneur de Syrie enleva la dignité de grand prêtre à Joazar, pour en revêtir Ananu, ou Anne, dont l'évangile fait mention à l'époque de la passion du Sauveur. Cette même année, à la fête de Pâques, le temple de Jérusalem fut glorifié. Jésus avait atteint sa 12e année, à ce moment s'ouvrait pour les Juifs la période de l'adolescence, celle de l'enfance était finie. Dès lors on était tenu aux obligations imposées par la loi, et tous les jeunes gens devaient aller à Jérusalem aux trois grandes fêtes. Les femmes seules pouvaient être dispensées de ce voyage. Joseph et Marie, fidèles observateurs de tous les préceptes de la loi mosaïque, ne manquaient pas d'aller tous les ans à Jérusalem, célébrer la grande fête de Pâques. Jésus les y accompagnait ordinairement. Les 8 jours de la fête écoulés, Joseph et Marie reprirent le chemin de la Galilée, arrivés à la première station, à Elbir, distante de 10 kilomètres environ de Jérusalem, lieu où se reposent encore les caravanes qui se dirigent de la Judée vers la Samarie et la Galilée, ils s'aperçurent que Jésus n'était pas avec eux. Cette disparition les inquiéta peu d'abord, à cause de la multitude qui se pressait en pareille circonstance sur les chemins de Jérusalem. Mais quand ils l'eurent cherché parmi leurs parents et leurs amis sans le trouver, ils commencèrent à craindre, et sur le champ ils se mirent en route pour retourner à Jérusalem. C'était le 1er mai, les fêtes de Pâques de cette année-là durant du 24 avril au 1er mai. Ils ne le rencontrèrent ni sur le chemin, ni parmi leurs connaissances. Leurs angoisses étaient vives, car en ce moment les bruits les plus alarmants circulaient dans le peuple à cause de l'insurrection de Judas le Golonite. Enfin, le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple, au milieu des docteurs, interrogeant les plus habiles, et répondant à leurs questions. Tous étaient saisis d'admiration en voyant tant de sagesse et de science briller dans un si jeune enfant. « Pourquoi, mon fils, lui dit Marie, en avez-vous agi ainsi avec nous? Voilà que nous vous cherchons, le cœur plein de tristesse et d'alarme. Ne saviez-vous pas, répondit Jésus, que je dois être occupé aux choses de mon Père? Joseph et Marie ne comprirent pas alors toute la portée de ces paroles. Mais Jésus sortit avec eux, et leur demeura soumis durant tout le temps de sa jeunesse. Ils revinrent à Nazareth, où Jésus grandit en âge, en grâce et en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Les années de l'enfance et de l'adolescence du Sauveur sont couvertes d'un voile qui nous en dérobe la connaissance. Les évangélistes gardent le plus profond silence sur ce long temps, sans indiquer le moindre trait propre à satisfaire une pieuse et légitime curiosité. Nous savons seulement que Jésus menait une vie humble, et qu'il ne dédaigna pas de partager le travail quotidien de son Père nourricier. D'où lui vient cette sagesse ? Disaient ses compatriotes, n'est-ce pas le charpentier, fils de Marie ? Saint Marc, 6. Le païen Celse et Julien l'apostat reprochaient aux chrétiens la modeste profession de Jésus-Christ. Saint Justin, le martyr, natif de Sichem ou Naplouse, qui vécut au commencement du second siècle de notre ère, et beaucoup d'autres pères, croient qu'il a exercé le métier de charpentier, qui alors se confondait avec celui de menuisier. Ajoutons que c'était une coutume chez les Juifs, et un devoir pour les parents, de former leurs fils au travail des mains et de leur apprendre un métier, quand bien même ils eussent été destinés à des occupations plus élevées. La conduite de Jésus donne une leçon frappante à tous les hommes. Le travail fut ainsi sanctifié, l'atelier de Nazareth devint un sanctuaire. Le pèlerin qui traverse aujourd'hui la Palestine ne manque pas, en passant à Nazareth, d'aller visiter l'atelier de Joseph, où Jésus travailla sous les ordres de son père nourricier. Il est situé à quelques pas de l'église de l'Annonciation, et les chrétiens y ont bâti une modeste chapelle. Section 14, État de la Palestine durant la jeunesse de Jésus, et au moment où il entre dans la vie publique. Traçons ici rapidement le tableau de la situation de la Judée durant les années qui précédèrent immédiatement la vie publique de Jésus. À la mort d'Hérode, son fils Archélaüs s'empara du pouvoir, mais, comme le trône lui était disputé par ses frères, il s'embarqua pour Rome, afin d'obtenir de l'empereur Auguste la confirmation du testament de son père, et l'investiture de l'autorité royale. Antipas faisait valoir en sa faveur le premier testament d'Hérode. Salomé, leur sœur, mêlait ses intrigues aux prétentions de ses deux frères, tandis que Philippe, de son côté, est même antipataire. Fils de Salomé, présentait leur requête à l'empereur, demandant que le royaume du vieil Hérode fût partagé entre tous les membres de sa famille. Si les Juifs avaient été consultés, ils auraient desservi les intérêts d'Archélaüs, dont il avait déjà à se plaindre. Ils ne perdirent pas de temps, et, dès que les troubles sanglants suscités après le départ d'Archélaüs furent calmés, ils envoyèrent à Rome 50 députés, pour solliciter la faveur d'être soumis à la juridiction du gouverneur de Syrie, ou d'avoir un gouverneur particulier pour la Judée. Tel était le règne, pour le jour odieux que le prince iduméen avait fait peser sur la nation juive, qu'il préférait le gouvernement des proconsuls. Le souvenir présent des maux qu'ils avaient endurés les poussait à cette démarche, mais ils ignoraient encore la rapacité des agents romains, si habiles à exploiter à leur profit les provinces de l'Empire. Les Juifs mettaient une seule condition à leur soumission entière au nouveau régime, c'était la liberté d'observer la religion et la loi de leur père. Jamais le peuple de Dieu n'avait subi pareille humiliation, au milieu des plus terribles désastres, ils n'avaient pas renoncé à l'espoir de rendre sa patrie indépendante, aujourd'hui il est l'artisan de sa propre honte. Auguste fit comparaître devant lui tous ses solliciteurs à tête couronnée, et écouta patiemment les harangues qui lui furent adressées. À la fin, il rendit la sentence, sachant depuis longtemps qu'il faut diviser pour régner, il déclara Archélaüs non roi, mais ethnarque de la moitié des provinces gouvernées naguère par Hérode. Le titre d'ethnarque était d'invention récente, il était supérieur à celui de tétrarque, mais inférieur à celui de roi, quoique dans le langage vulgaire ces deux titres fussent souvent confondus. L'empereur, cependant, lui promit la concession officielle de la dignité de roi, dès qu'il l'aurait méritée. L'autre moitié fut partagée entre les deux autres fils d'Hérode. Antipas reçut la Pérée et la Galilée, et Philippe l'Iturée, la Traconite et l'Oranie. La Judée proprement dite, la Samarie et l'Idumée constituèrent la part d'Archélaüs. L'empereur se réserva les villes de Gaza, de Gadara et d'Hippos, habitées par des Grecs, et les assujettit au gouvernement de Syrie. Salomé eut pour lot les villes que son père lui avait données, et l'empereur lui fit présent du palais royal d'Ascalon. Ainsi fut démembrée la Palestine, et à côté de ces fantômes de princes l'autorité du maître fut représentée par un préfet ou procurateur, lequel posséda, en réalité, le pouvoir suprême. Hérode Antipas, souvent appelé Hérode, et Philippe bâtirent différentes villes dans leur tétrarchie. Le premier fortifia Séphoris, et en fit une des places principales de la Galilée. Un peu plus tard, il fonda, sur les bords du lac de Génézareth, une ville considérable qu'il dédia à l'empereur Tibère, et qui, du nom de ce prince, s'appela Tibériade. Cette ville donna son nom au lac, qui est appelé en outre la mer de Galilée. Philippe construisit Panéas, près des sources du Jourdain, dans un pays délicieux, et par une basse flatterie il la nomma Césarée. Pour la distinguer d'une autre Césarée, située sur les rivages de la Méditerranée, appelée autrement Ptolémaïde, on ajouta le nom du fondateur, c'est Césarée de Philippe, Césarea Philippi. Au modeste village de Bethsaïde, situé sur la rive orientale du Jourdain, au point où ce fleuve entre dans le lac de Génézareth, succéda une ville superbe, nommée Julias, parce qu'elle fut consacrée à Julie, fille d'Auguste. Il ne faut pas confondre cette bourgade, qui perdit alors son nom, avec Bethsaïda, patrie de Saint-Pierre, placée sur la rive occidentale de la même rivière. C'est cet Hérode Antipas qui se rendit coupable d'union adultère avec Hérodiade, femme de son frère Philippe, encore vivant. Il fut le meurtrier de Saint Jean-Baptiste et insulta Jésus-Christ durant sa passion, il mourut misérablement dans les Gaules, où il fut exilé. Nous ne donnerons point la liste complète des préfets de Judée, attendu que ces magistrats civils et militaires ne figurent aucunement dans l'histoire sacrée, jusqu'au cinquième dont nous allons parler tout à l'heure. Tandis qu'Annius Rufus était procurateur de la Judée, Auguste mourut à Noix, en Campanie, âgé de 76 ans. Ce fut le plus puissant prince du monde. Se sentant mourir, il demanda à ceux qui l'entouraient s'il n'avait pas bien joué son rôle sur le théâtre de la vie. Pour arriver au trône, il versa des torrents de sang, parvenu au rang suprême, il fit preuve de modération et de sagesse. Jésus-Christ naquit sous le règne de ce prince, et souffrit sous celui de Tibère, son successeur. Valerius Gratus remplaça Annius Rufus, et conserva 11 ans les fonctions de procurateur de la Judée. Après lui vint Ponce Pilate, cinquième préfet et le plus connu de tous. À peine installé, il s'attira la haine universelle. C'était un homme ambitieux et arrogant, un de ces dignitaires de basse extraction, avare, jaloux, hautain et timide à la fois, comme on en trouve beaucoup dans les pays conquis. Il poussait l'estime de son droit et de sa personne jusqu'à la susceptibilité et au mépris des autres. Les soldats qu'il envoya à Jérusalem portaient sur leurs étendards l'image de l'empereur. Jusque-là, les Romains avaient tenu à ménager les habitudes religieuses des Juifs, leurs troupes ne se montraient à Jérusalem qu'avec des étendards simples et sans figure humaine. Le culte des Romains pour les aigles de l'Empire et le génie de l'Empereur était idolâtrique. Le peuple, à cette nouvelle, se souleva, et se porta en masse à Césarée, où se trouvait Pilate, pour le prier de ne point blesser les usages de ses pairs. Pilate resta sourd à de si justes réclamations, et demeura inflexible. À la fin, fatigué des importunités de la multitude, il convoqua le peuple le sixième jour dans l'amphithéâtre, où il le fit entourer d'une triplée de soldats. Il le menaça de mort, s'il refusait obstinément de recevoir avec honneur l'image de l'empereur, en même temps il commanda aux soldats de tirer l'épée. À cette vue, les Juifs, d'un même mouvement, se jetèrent à terre, criant qu'ils aimaient mieux mourir que de violer la loi. Le Romain fut ému de ce spectacle et de cette abnégation, il ordonna de retirer les étendards. Des exactions de tout genre accrurent encore l'animosité publique contre lui. Ayant choqué une seconde fois l'esprit religieux des Juifs, ils repoussèrent avec dédain leurs demandes, quand la crainte le rendit plus souple. Des plaintes furent portées jusqu'au tribunal de l'empereur. Pilate fut réprimandé, mais il dissimula, sans changer de conduite. Ainsi il prit dans le trésor du temple l'argent nécessaire à la construction et à la restauration des aqueducs. À cette occasion, la foule accourut devant lui pour exposer ses doléances. Le procurateur avait fait déguiser ses satellites. Au signal donné, ceux-ci se précipitèrent sur des gens sans défense et en tuèrent un grand nombre. Tel est le personnage que nous verrons présider au jugement qui condamna Jésus à mort. On peut juger d'après ce tableau, quelqu'un parfait qu'il soit, de l'état dans lequel se trouvait la Palestine à l'époque où s'écoulaient les premières années de la vie de Jésus, et au moment où il allait entrer dans sa vie publique. Section 15, Division de la Palestine, nombre des provinces, et leur situation. Du temps de notre Seigneur, la Palestine ne présentait plus la même division territoriale qu'au siècle précédent. La terre promise avait d'abord été partagée entre les tribus, à l'exception de celle de Lévi, consacrée au service du temple, laquelle avait obtenu, comme lieu d'habitation, 48 villes disséminées sur toute la surface du pays. À l'époque où Jésus-Christ parcourait la Palestine, la région située en deçà du Jourdain, c'est-à-dire entre ce fleuve et la Méditerranée, était divisée en trois provinces. Premièrement, la Galilée, bornée par la Phénicie, la Syrie, le Jourdain, la mer de Tibériade et la plaine d'Esdrelon, comprenaient la basse Galilée et la haute Galilée. La première s'étendait au couchant de la mer de Génézareth, et comprenait les tribus de Zabulon, d'Azée et de Nephtali, là s'élevaient les villes de Séphoris, Nazareth, Cana, Naïm, et le mont Tabor. La seconde, aussi appelée la Galilée des Gentils, parce qu'elle était habitée par des païens mêlés aux Juifs, était située au-delà du Jourdain, et confinée à la Traconité au Liban. La Galilée est une région naturellement beaucoup plus fertile que la Judée proprement dite. Elle était jadis couverte d'une population innombrable, industrieuse et laborieuse. Deuxièmement, la Samarie s'étendait entre la Galilée et la Judée, depuis Sittopolis jusqu'aux montagnes d'Éphraïm, sans atteindre cependant aux rives de la Méditerranée. Sichem, ou Sichar, et Samarie en étaient les deux villes principales. C'est une province dont le sol est facile à cultiver et très productif. Les campagnes se couvrent de moissons de tout genre, et sur les collines on remarque l'olivier, le figuier, le grenadier, l'oranger, le citronnier, ainsi que la vigne et cent autres arbres à fruits. Le sommet des montagnes est couronné de bois. Lorsque les tribus d'Israël furent emmenées en captivité par Salmanazar, les rois assyriens repeuplèrent la Samarie en y envoyant des Cutéens et autres peuples de la Médie. Des familles juives y étaient restées, d'autres y revinrent dans la suite. Il en résulta une race mélangée, où les étrangers dominaient, avec laquelle les vrais Israélites ne voulurent jamais avoir de communication. Les antipathies étaient encore vivaces au temps de notre Seigneur, et cette parole de la Samaritaine. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, est un écho fidèle de l'état des esprits. Troisièmement, la Judée, qui comprenait l'Idumée jusqu'à Jardan, ville de l'Arabie pétrée, renfermait les montagnes de Juda, et s'étendait de la Méditerranée au Jourdain et à la mer Morte. Ces villes sont Hébron, Jérusalem, Bethléem, etc. Souvent on confond sous le nom de Judée tout le pays jadis occupé par la postérité d'Abraham. Ce nom commença de prévaloir après la captivité de Babylone, à cause de l'importance de la tribu de Juda, et surtout par suite de l'influence religieuse et prépondérante de la ville de Jérusalem. Le pays situé au-delà du Jourdain, sur la rive gauche ou orientale de ce fleuve, sous le nom général de Pérée, comprenait 8 provinces d'une étendue inégale. La Pérée proprement dite, le pays de Gilea, la Décapote, ou le district des 10 villes, dont les habitants pour la plupart étaient païens, la Golonite, placée entre les rives orientales du lac de Génézareth, le Jourdain et le mont Hermon, la Batanée, dont la circonscription embrassait le territoire placé à l'est de la Golonite, et au nord du pays de Gilea, l'Oranite ou Oran, appelée aussi Liturée, la Traconite, qui se prolongeait jusque dans le voisinage de Panéa, ou Césarée de Philippe, de ce côté elle touchait aux frontières de la Galilée. Il y avait, dans la partie montagneuse, des grottes nombreuses et profondes, recélant, du temps d'Hérode, une population considérable, remuante et indisciplinée. Enfin la Bilène, entre Damas et Baalbek, que l'on désignait alors sous le nom d'Abilène de Lysanias, parce qu'elle reconnaissait comme gouverneur un certain Lysanias, qui, de chef de voleurs, avait réussi à faire reconnaître son titre et son autorité par les Romains. Markemdanarchive.org, d'après booksgoogle.fr, Tourmam et compagnie, 1862. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.